Mon passé, j'en ai fait des futurs. Mes souvenirs ont été ma fortune. Présent pour moi n'était qu'un étranger, un passant de la grande rue. J'ai toujours ignoré. Et si j'avais vécu ainsi, c'est que telle était ma vie. D'ailleurs, on peut rien y faire. On est tous des légionnaires. Mais voyez, je ne m'en plains pas. Y a le sourire sur mon visage. Et ça n'est pas du cinéma. Si je vous dis ça sur ce quai de gare, c'est que je prends le train pour mon dernier voyage. Y a pas de retour sur mon ticket. Je vais voir le pays du passé. Ah non, vous n'allez pas pleurer. Gardez donc votre richesse. Je n'ai pas demandé la collecte, car ici la première classe vous est gracieusement offerte. J'ai emporté avec moi plein d'images dans mes bagages. C'est le souvenir de vos visages. Et puis on va bien se retrouver. Le pays n'est pas si grand que vous pensez. Vous prendrez un jour tous comme moi dernier ticket pour ce train-là. Et ce jour-là faudra le fêter. Da da da.